Les chérubins s'élevèrent. C'étaient les êtres vivants que j'avais vus sur les bords du fleuve Kébar. La gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et vint se placer sur les chérubins. Ceux-ci déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes cieux. Ils sortirent et les roues sortirent avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale du temple de l'Éternel. Et la gloire du Dieu d'Israël reposait sur eux tout au-dessus.